ouais journée, charbonne pour l'Amazonie. Très zéro que c'est là, la nique la forme Anthony. On a niqué les maths, maths. Des bons maîtres en pluri. Comment tu veux qu'on t'apprécie Hassan si t'as le cœur pourri. J'ai le cœur sous les coques. Oh, oh, oh, yeah. Cette année faut qu'on y touche. Yeah. Mani on prend le game, on veut pas fitter. Millions de buts, ton talent de demande à Bene. Tu suis ma Simba, j'ai les pecs capables. À mon déo arrive au check, j'ai ta plaque de moula. La la la la. Et dans la ville c'est le hala. La la la la. On a pris le boulot à la. On entend l'été comme des gorilles, on scalopique. Je lui ai servi la plaquette, elle m'a dit t'es magnifique. Achika chika, tu comprends le game, nous on le nique. Achika chika, tu te talentes sur les brolis. Mouvasa, ça, Mouvasa, ça, Mouvasa, ça, il est bon ça. Mouvasa, ça, Mouvasa, ça, Mouvasa, ça, il est bon ça. On fait des khalissa, ça, ça, ça, on fait des khalissa, ça, ça, ça, on fait des khalissa, ça, ça, ça, on fait des khalissa, ça, ça, ça. Moi je suis Peter Pan, mais je vais tomber le matin clochette. On va niquer la rue, on va pas refuser une tête. J'ai le sourire du Joker, les îles Angel. Sur la mec, mec, mec. J'suis comme Mufasa dans la vallée. J'suis pur, j't'appelle, ça va aller. Fume en cellule, voile les palmiers. On baisse le game, j'suis comme. J'suis dingue, dingue. Mes potes sont dinga. J'ai pas besoin de. T'inquiète, c'est benga. J'te fais voyager parce que mani, j'suis bon gars, ça. On a pris le réseau, t'inquiète, on sait que t'es un hasa. On a niqué le game, demande à Nabil. Un tour dans la ville, on tire dans le mille. On a niqué le game, game, game, game, game. Je suis condamné.